Alors, vous écoutez Futur Simple sur CKRL au 89.1 et c'est François Rioir qui vous parle. Et pour ce dernier segment d'émission, nous recevons Moustapha Allard qui va nous parler des éclaircissements sur les tiques en santé. Bonjour Moustapha. Bonjour François. Oui, en effet, aujourd'hui, je vais vous parler dans ma chronique de... Enfin, je vais vous dire d'abord ce dont je ne vais pas parler. Donc, je ne vais pas vous parler de comment se soigner avec ces petites bébêtes qui nous piquent quand on ramasse un matelas dans la rue. Non. Et je ne vais pas vous parler non plus des symptômes qu'a une personne atteinte du trouble de Gilles de la Tourette, pardon, non plus. Donc, je vais plutôt vous parler d'ordinateurs, de téléphones intelligents, d'applications mobiles, le tout enveloppé dans un drap santé. Donc, on parle de TIC, T-I-C, pour technologie de l'information et des communications, mais plus précisément, Moustapha, dans le domaine de la santé, de quoi on parle, de quoi est-ce s'agit? En fait, quand on évoque TIC en santé, faut préciser tout de suite qu'il s'agit plus qu'une tendance, en fait. Et en disant ça, je veux en quelque sorte tout de suite le punch dans la mesure où, en fait, au-delà d'une volonté de paraître branché, par exemple en portant au poignet la dernière montre flanquée d'une pomme croquée, par exemple, il s'agit plutôt d'un nouveau repositionnement de tout le secteur de la santé par rapport au secteur technologique. Et pour démystifier un peu l'éthique, car ce mot, si petit soit-il, il cache un large spectre d'applications. Et pour preuve, moi, en préparant cette chronique, je me suis rendu compte que la définition d'éthique peut varier d'un pays à un autre ou d'une organisation économique à une autre. Mais pour faire simple, tout le monde s'entend pour dire que l'éthique, c'est toutes les activités qui touchent à l'informatique, aux technologies des communications, à la géolocalisation aussi. Donc tout ça en fait partie. Et pourquoi l'éthique en santé, c'est plus qu'une mode, comme tu le disais? Tout simplement parce que la santé se doit d'être de plus en plus efficace. Donc l'intégration d'éthique est plutôt liée à un enjeu d'efficacité. Mmh. Et ce, pour trois raisons principales selon moi. Donc je vais m'expliquer pourquoi c'est plus une mode. Donc la première raison selon moi, c'est parce que tout d'abord, le domaine des soins de santé doit accompagner l'avancement des progrès thérapeutiques qui sont parfois permis grâce justement à cette éthique. Et parfois, ils sont en grande majorité dus à ces TIC ou ces technologies de l'information. Tout à fait. Donc, des soins efficaces, ce sont des soins qui intègrent tout d'abord et de façon optimale les nouvelles technologies. Donc, un exemple simple et assez flagrant pour comprendre. Donc, si les hôpitaux étaient réfractaires à l'utilisation des ordinateurs, donc ordinateurs qui font partie des TIC, bien évidemment, pensez-vous qu'ils seraient efficaces et opérationnels comme ils le sont aujourd'hui? C'est un exemple un peu extrême, mais ça illustre bien le propos. Et le deuxième élément, pourquoi l'éthique, c'est pas un effet de mode, c'est parce que, en fait, on connaît une croissance démographique, que ce soit à l'échelle planétaire ou à l'échelle du Canada, on connaît une croissance démographique, et la population, en plus, elle vit de plus en plus longtemps. Donc, le système de santé se doit d'être plus efficace pour ne pas perdre en qualité et pour subvenir à tout le monde. Et là aussi, ça passe par la technologie ou les technologies de l'information. Donc, on peut dire que l'éthique représente un indispensable face à la croissance de la masse démographique. Cette masse démographique, en fait, qui croît soit par l'augmentation des naissances ou encore l'espérance de vie, comme je l'ai mentionné. Qui allonge, c'est ça. C'est ça. Et faut pas aussi oublier que y a pas mal de considérations budgétaires qui rentrent aussi en jeu quand on parle d'efficacité en santé. Considérations budgétaires qu'on ne peut qualifié allègrement d'austère et que je n'ai pas, bien évidemment, besoin de détailler pendant ces jours de grève. Mais on le sait tous que le gouvernement veut que le système de santé soit plus efficace et peut-être accessoirement de bonne qualité. Mais cette politique, justement, cette volonté politique plutôt, elle date pas d'aujourd'hui. Et c'est pour ça aussi qu'on peut dire que l'éthique en santé, c'est pas juste une mode. On peut se rappeler, à titre d'exemple, que la mise en place d'une initiative fédérale début des années 2000 qui s'appelait l'Inforoute Santé. Début des années 2000, donc il n'y avait pas encore de téléphone intelligent ou d'iPhone. Le premier iPhone est sorti en 2007. Donc déjà, début des années 2000 au Canada, le gouvernement avait lancé Inforoute Santé qui était une initiative pour la mise en place et la promotion de la santé numérique ou la cybersanté. Mmh. Donc c'est plus qu'une mode, c'est un besoin. Là. C'est ça. Et ça date de de quelques décennies maintenant. Effectivement. Et est-ce qu'il y a un troisième point aussi, Moustapha? Oui, en effet. Le troisième point, pourquoi c'est plus qu'une mode, c'est parce que avec l'augmentation démographique, comme je l'ai mentionné, il y a aussi une recrudescence des maladies chroniques. Donc, encore une fois, plus de pression sur notre système de santé, d'où le besoin d'un système plus efficace. Et là encore, l'éthique se révèle être des atouts de choix. Et royaume des maladies chroniques, on peut dire que le diabète est roi. Donc, les applications mobiles et autres gadgets vont nous permettre, et nous permettent déjà, de suivre notre taux de glycémie en temps réel afin de mieux gérer la maladie. Ce monitoring de la maladie chronique peut s'appliquer à d'autres maladies comme l'hypertension ou encore le Parkinson, grâce notamment aux applications mobiles et grâce à des objets de plus en plus connectés par Wi-Fi ou Bluetooth, par exemple, comme les montres intelligentes, les balances connectées, les tensiomètres, etc. Mais quand tu dis que l'éthique, c'est plus qu'une mode, c'est qu'il y a un peu d'effet mode là-dedans, non? Oui. Oui. Il y en a un peu quand même, vous avez raison de le souligner, et je mettrai cette mode plutôt dans le rayon de l'ubérisation. Ah, ok. En fait, ce concept de plus en plus populaire et de plus en plus à la mode, donc, il fait appel à la mise à disposition de ressources sur demande en tout temps, via l'emploi, en général, d'applications mobiles et des téléphones intelligents. Exemple mythique qui a donné son nom au concept, c'est l'UberX ou UberPop selon le pays où on se trouve. Mais en fait, cette application, elle met en place un service de transport qui est disponible en tout temps, tout en mettant en contact ceux qui offrent le service de transport et ceux qui ont besoin de se déplacer. Et ça ne dépend pas juste du transport. En fait, on peut trouver des exemples d'ubérisation dans tous les domaines quasiment, dans l'hôtellerie avec Airbnb. Uh-huh. On connaît aussi les plateformes de sociofinancement comme KissKissBankBank, par exemple. Et même ici au Québec, on a Kijiji, qui peut être considéré comme une nouvelle forme de commerce ubérisé. Et toutefois, bien que le concept n'est pas généralisé à tous les secteurs, je dirais, il y a parfois quelques flops. Faut pas s'en cacher. Toutes les tentatives d'ubériser un secteur ne sont pas toujours réussies. Oui, pardon. C'est ça. En tout cas, pour ma part, moi, je prévois que l'ubérisation, ou du moins l'expression ubérisation, ou le mot ubérisation, va faire son entrée dans le dictionnaire d'ici les 5 prochaines années pour souligner définitivement son entrée dans les mœurs. Et si on revient au domaine de la santé, Moustapha, est-ce qu'il y a un phénomène d'ubérisation C'est vrai que ça commence, mais c'est pas encore bien établi. Et dans ma chronique, je vais exposer juste l'exemple de deux exemples, notamment pour la médecine et la pharmacie. Oui. En médecine, il faut dire que le secteur est scientifiquement inaccessible et professionnellement fermé. Mm-hmm. En fait, il est plus difficile de s'improviser médecin que chauffeur ou un hôte, comme pour Airbnb. Mais ça commence quand même, ça a déjà commencé aux États-Unis, où il y a des applications mobiles qui mettent à disposition des usagers un médecin sur demande, qui peut se déplacer là où on veut, quand on veut. Et je pense que c'est plutôt sous cette forme-là qu'il va y avoir une ubérisation dans la pratique médicale. Okay. Pour ce qui est de la pharmacie maintenant, les tics sont déjà très bien intégrés dans le domaine. On connaît le dossier Santé Québec. Il y a des initiatives de pharmacie 3.0. Mais on ne peut pas dire qu'il y a vraiment un équivalent de l'Uber dans la pharmacie. Je pense que l'ubérisation va plutôt s'opérer par la vente en ligne, car il n'y a pas vraiment des enjeux liés par rapport à la distribution ou le service. C'est plutôt la vente en ligne qui va représenter une forme d'ubérisation. Mais pour terminer, Moustapha, est-ce qu'on peut dire finalement, pour conclure, est-ce que l'éthique en santé, c'est plutôt une bonne chose ou une mauvaise chose? Moi, je dirais que c'est une bonne nouvelle, oui et non. Uh-huh. Avec un grand oui et un petit non. Oui, oui, parce que l'éthique, grâce au tics, plutôt, les progrès thérapeutiques et les services de soins de santé vont connaître vraiment des avancées majeures. Et on a juste à regarder la télémédecine où un médecin et un patient peuvent communiquer vraiment à des distances vraiment loin. Uh-huh. Ou encore, maintenant même, il y a des chirurgiens qui peuvent opérer à distance, bien évidemment assistés par de la robotique, mais ils peuvent opérer vraiment des gens à l'autre bout du monde. Et pourquoi non? Parce que l'utilisation d'éthique via l'emploi des applications mobiles ou le monitoring, par exemple, il génère vraiment des tonnes de données, ce qu'on appelle communément le big data. Et dans l'utilisation de ces big data pose des enjeux éthiques non négligeable par rapport à la sécurité de l'information et la confidentialité, parce que les patients ne sont pas tous confortables avec l'idée d'exposer leur maladie ou leur bilan de santé à des tiers qui n'appartiennent pas forcément à la sphère médicale. Mmh. Et d'un autre côté aussi, l'utilisation de ces données peut servir aux compagnies pharmaceutiques pour faire du marketing ciblé, d'où l'enjeu économique relié à ces données et qui peut mener à des dérives qui, bien évidemment, ne sont pas toujours nécessairement dans l'intérêt des patients. Comme quoi, dans l'application d'éthique en santé, il y a aussi une question d'éthique. Exactement. Merci Moustapha. Merci.